LDS. Je pense à toi sans cesse. Ton éclat comme une caresse. J'aimerais dédier ce morceau à une douce princesse. Yeah. LB Woods, à tes côtés. Yeah. Let's go. On se regarde et on rit. Je pense à toi jour et nuit. Je veux, je vois ma joie, ma vie, mes larmes à travers tes yeux, je t'aime. Et si mon regard en dit long, c'est que j'aime vivre sous tes rayons, c'est de toi et moi qu'il s'agit. Je serai ta lumière la nuit, comme un phénix près de toi, je revis près de l'eau de chute. Tes cheveux sous le vent, la main dans la main, et le soleil le vent. Le soleil le vent, juste à nos pieds, j'observe tes lèvres et leur veiller, faut pas dormir. Je serai toujours à tes côtés. On irait là où le soleil ne se couche pas, là où nos enfants suivront chacun de nos pas, chérie. Tu es ce dont j'ai toujours rêvé, crois-moi. Je serai toujours à tes côtés. On se regarde et on rit. Je pense à toi jour et nuit. Ce n'est que dans tes bras que je vis. Baby girl, je suis pour toi, je te dis. Baby girl, c'est toi que je veux. Les yeux dans les yeux, et si je le pouvais, c'est avec toi que j'écrirais mon récit. Je ne connais pas assez de mots pour te dire comme je t'aime. Tu es mon ange, ma vie, ma déesse et ma reine. Heureux qu'on rions, ma princesse Cendrillon. Dans mon jardin, tu es la fleur de mon sillon. Et si on décide un jour de sceller notre union, certains peuvent t'aimer à la goutte, moi je t'aimerai à l'océan. Le soleil, le vent, juste à nos pieds. J'observe tes lèvres et leur veiller, faut pas t'enfer. Je serai toujours à tes côtés. On irait là où le soleil ne se couche pas, là où nos enfants suivront chacun de nos pas, chérie. Tu es ce dont j'ai toujours rêvé, crois-moi. Je serai toujours à tes côtés. On se regarde et on rit. Je pense à toi jour et nuit. Ce n'est que dans tes bras que je vis. Baby girl, je suis pour toi, je te dis. Baby girl, c'est toi que je veux. J'adore, je suis amoureux. Je ferai tout pour que ça marche tous les deux. Baby girl, c'est toi que je veux. Écoute, je suis rendu amoureux. Laisse-moi m'exprimer, un peu d'attitude, mais je serai toujours là pour t'écouter. Pensez à ma vie sans toi, yeah, moi je n'y arriverai pas. Ton odeur, ta chaleur, ta personne, je suis attaché à ça.